إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous allons inshallah continuer sur les attributs des hypocrites. Sur l'hypocrisie, pardon, on avait déjà vu les attributs des hypocrites la semaine dernière. Et on s'était arrêté en fait sur... On avait vu donc quand est-ce que l'hypocrisie ça a commencé, quelles sont les sourates qui mentionnaient l'hypocrisie et les hypocrites, et les attributs des hypocrites. Et nous avons également vu qu'il y avait deux types d'hypocrisie, une majeure et une moindre. Donc l'hypocrisie, on avait vu aussi linguistiquement ce que ça voulait dire, et également selon le shara, selon la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc on s'était arrêté en fait aux six catégories, parce qu'il y a six catégories dans l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie majeure, c'est quoi l'hypocrisie majeure? Ouais, mais c'est quoi? Comment on peut le définir? Celui qui donne une apparence... Qui montre quoi? Musulmane, et à l'intérieur, dans son cœur, c'est du kouf. Voilà, il montre l'islam, mais il cache la mécréance. Ça, c'est l'hypocrisie majeure. C'est celle qui exclut l'islam. Et l'hypocrisie majeure, celle qui exclut l'islam, il montre en apparence l'islam et cache la mécréance. Quand est-ce que ça avait commencé? C'est ceux qui seront parmi les au plus bas niveau de l'enfer. Ça a commencé à la Mecque ou à Médine? À Médine, parce qu'à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrisie. Parce qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'avoir hypocrisie. Parce qu'ils avaient celui qui se convertissait à l'islam, il allait pas. Il suffisait qu'il commençait à dire aux gens qu'il était musulman, il se faisait massacrer et sa famille se faisait laminer. Ouais, c'est ça. Donc, c'était par conviction. D'accord? Mais ça a commencé à Médine, et plus précisément quand? Plus précisément après la bataille de Badr. Lorsque les musulmans ont eu la puissance, là, les munafiqins ont montré l'islam et caché le kufr. Parce qu'ils voyaient que, au départ, ils pensaient que les musulmans allaient perdre la bataille. Donc, ils n'arrêtaient pas. Et d'ailleurs, j'avais mentionné son nom, c'est Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui était l'hypocrite, qui lui, en fait, allait être nommé roi parmi les tribus de Médine. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et leur a fait la da'wah, il n'y avait plus lieu de mettre ce roi là donc il a perdu sa place. Donc lui, ça le faisait criser, et il en voulait donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il n'y avait plus lieu de le mettre lui comme roi, parce qu'en fait, il se bataillait tout le temps, les différentes tribus juives qu'il y avait là-bas. Et ce qu'il y a, c'est que donc, sachant que ont cru au message du prophète Mohammed, et ont suivi le prophète, il n'y avait plus lieu de mettre quelconque, n'importe qui roi. D'accord? Et donc, au départ, il disait des paroles comme ça, dénigrant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ou démentant son message, ou lui disant des choses, yani, qui ne sont pas, qui ne sont pas correctes, exactement. Il pensait que les kofars et les mouchriquins allaient facilement, vaincre les musulmans. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais lorsque Allah Azza wa Jal a donné la victoire aux musulmans, et que les musulmans ont eu cette puissance-là, ils se sont mis à montrer l'islam et à cacher le kufr. D'accord? Le contraire de la Mecque. Donc, on avait vu que ça, c'est après la bataille de Badr. D'accord? Que ça a commencé. Et on s'était arrêté, barakallahu fikum, aux six catégories. Salam alaykoum. Aux six catégories de nifaq. Six catégories de nifaq. Les six catégories que j'avais mentionnées, ce sont les catégories de nifaq akbar, c'est-à-dire yudhur l'islam wa yubtin al-kufr. Il montre l'islam mais cache le kufr. D'accord. Ça les fait sortir de l'islam, peut-être. Oui, ça ils sont pas musulmans. Ça ils sont pas musulmans, d'accord. Donc ceux qui font ça, ils ne sont pas musulmans. وهذا النفاق ستة أنواع. D'accord. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. Démentir le messager صلى الله عليه وسلم. Le deuxième, الثاني, تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Démentir une partie de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, bughd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Détester le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, ça sont les catégories. Celui qui a ça, c'est du nifaq akbar, a'oudou billah. Le quatrième, bughd ba'd ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième, c'est le fait de détester une partie de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier point, takdhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, détester le messager, démentir le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou takdhib ba'd ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, démentir une partie de l'enseignement du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bughd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, détester le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bughd ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien détester une partie de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou al-misra bi inkhifad din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. La traduction la plus correcte ici, c'est se réjouir de la défaite de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que j'avais mentionné la semaine dernière, c'est œuvrer à ce que de mettre au plus bas la religion d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la traduction la plus correcte, c'est l'individu, il se réjouit de la défaite de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que juste il s'en réjouit. Donc, se réjouir de la défaite de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième point de sifat al-munafiqin. Du nifaq akbar ça. Et le sixième, al-karahiya li intisar din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est détester la victoire de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a six points. Soit il dément l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit il dément une partie de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit il déteste l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou soit il déteste une partie de l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit il se réjouit de la défaite de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou il déteste la victoire de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et celui qui est coupable de l'une de ces six catégories, eh bien, sera un munafiq avec le nifaq al-akbar, et s'il meurt sur cela, il sera au plus bas fond du brasier de l'enfer. Et on dit, celui qui est coupable de l'une de ces six catégories de l'hypocrisie majeure sera au plus bas fond du brasier de l'enfer. Vous allez comprendre pourquoi en fait je dis sera au plus bas fond du brasier de l'enfer, parce que khtalafu l'ulama dans la tauba du celui qui commet le nifaq akbar. D'accord? Certains disent que on ne peut pas l'apprendre parce qu'on ne sait pas, il montre tout le temps l'islam lui. Mushkila. On va le voir ça dans le détail, inshallah. Le deuxième point, un nawa thani, un nifaq al-amali. Ça, c'est nifaq dans les actes, l'hypocrisie dans les actes. D'accord? Wa huwa amal shay min a'mal al-munafiqin ma baqa al-iman fi al-qalb. Donc c'est le fait d'agir avec une des œuvres des hypocrites tout en ayant la foi qui est dans le cœur. D'accord? Ça veut dire le musulman, il a la foi dans le cœur, il a l'iman billah, d'accord? Il a la foi claire dans le cœur. Cependant, il va faire des œuvres نتاع اعمال نتاع المنافقين. داكور، عنده الايمان لكن يتصرف مع بعض الاعمال نتاع المنافقين. جوستومون. دونك سي وهذا لا يخرج من المله. ان سا سا نكسكلو با الاسلام. Celui qui agit avec les munafiqin, avec une des œuvres des hypocrites, ça n'exclut pas l'islam. Mais c'est un moyen pour atteindre l'hypocrisie majeure et donc être exclu de l'islam. C'est comme le shirk asghar. D'accord ? Ça n'exclut pas l'islam. Mais c'est un moyen pour arriver au akbar et qu'il exclut l'islam. D'accord ? Les péchés, c'est souvent comme ça. Tu vois, ouais, il va faire des petits péchés. Et puis ça, c'est une wasila ila al-kaba'ir. D'accord ? Si tu ramènes des petits brins là, des aoud, sarar, ou tlemum, et tu les rassembles, tu peux faire un brasier avec ça. D'accord ? Eh bien, c'est le même principe. L'individu qui accumule comme ça les petits, c'est un moyen pour tomber dans les grands. D'accord ? نعم اي اي هذاك هو نعم واذا خصم فجر نعم واذا عاهد غدر نعم خلي نعم تنشوفوا هذا ان شاء الله بارك الله فيك. دونك وسيله لذلك وصاحبه يكون فيه ايمانه ونفاق. دونك celui qui agit comme ça, ça veut dire qu'il a d'accord il a l'iman mais il agit avec بعض الاعمال نتاع المنافقين avec certaines œuvres des munafiqin. Ce qu'il a, c'est que il a dans son cœur foi et hypocrisie. D'accord ? Il mélange entre foi et hypocrisie. Donc, وَإِذَا كَثُرَ صَارَ بِسَبَبِهِ مُنَافِقًا خَالِصًا. Et si les œuvres qu'il agit en termes de les œuvres d'hypocrite, s'il en accumule énormément, il devient un hypocrite sincère. Il devient un hypocrite sincère. D'accord ? Wa dalil alayhi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam arba' man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khasla minhun kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'ha idha tumina khan wa idha hadatha kadhib wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajr. Muttafaqun alayh, rapporté par le Bukhari et le Muslim dans leur sahih. Et bien la preuve de ce qu'a avancé le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhullah, c'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est dans les deux sahih, Bukhari et Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que il y a quatre types qui, si elles se trouvent chez un individu, et bien cet individu-là devient un hypocrite sincère. D'accord ? Et celui qui en a une d'entre elles, d'accord, eh bien, a un attrait de l'hypocrisie, d'accord, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui confie une chose, d'accord, il trompe. Si on lui donne pour que, une amène, ce qu'il va faire, c'est que il va la trahir. D'accord ? Il va tromper. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsque il s'engage dans un pacte, il le trahit. Il le rompt. D'accord ? Et lorsque, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup, lorsqu'il se dispute, il tombe en débauche. C'est-à-dire qu'il commence à s'énerver avec un tel, et ce qu'il y a, c'est qu'il va agir avec cet attribut-là, les munafiqin, c'est-à-dire qu'il va se mettre à dire d'énormes mauvaises paroles. D'accord ? Et là, il n'y a plus de contrôle, il y a je ne sais plus quoi. Il s'est embrouillé avec quelqu'un, et puis il va commencer à dire des paroles, des choses, des... D'accord ? Et ça fait partie des attributs des munafiqin. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit sabr fi sadmat al-oula. C'est-à-dire que le sabr, c'est quoi ? La patience, c'est quoi ? C'est au premier choc. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas facile, quelqu'un il te dit un truc, voilà, il te traite, voilà, il te dit un truc, il te monte le sang à la tête direct. Tu vois tout noir, comme ils disent, hein? Là, le sabr, c'est quoi? C'est là, à ce moment-là. Il va lui répondre pour essayer de lui faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il va essayer de répondre pourquoi? Pour lui faire mal. Comme il a essayé de lui faire mal. Vous voyez? Et donc ça, ce n'est pas des comportements qui sont corrects. D'accord? Vous vous rappelez de cette femme qui avait perdu son mari, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est même parti la voir en lui disant de patienter. Elle lui a répondu, mais laisse-moi, tu ne sais pas ce que c'est. Mais elle n'avait pas vu que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, il est parti. Les sahaba sont partis la voir en lui disant, mais tu as parlé comme ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est partie en courant, en lui disant, Ya Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, As-sabr fil sadmat al-oula. La patience, c'est dans le premier choc. Et il a laissé sur ça. D'accord? Donc la patience, c'est dans le premier choc. C'est pas par exemple quelqu'un, il va essayer de te titiller, essayer de trouver un point faible qui te fasse criser, ou là, il va y jbedlek ta famille, ou là, jbedlek un truc, ou là, quelque chose. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas Pathalan Wahd, il va essayer de te déclencher, et puis là, toi, tu vas tomber dans le khusuma. Parce que tu vas essayer de lui dire des choses pour lui faire mal. Tu vois? Subhanallah. C'est dans le choc, quelle que soit l'épreuve. C'est le premier choc. Tu dois t'énerver. Premier choc. C'est pas par exemple, t'as le choc, et puis après, t'as fait tout ce que t'as voulu faire. T'as dit tout ce que t'as voulu dire. Et puis après, on va dire à ta. Non, mais c'est vrai, j'ai abusé. Mais ça y est, c'est terminé, ouais, c'est mort. Les conséquences, ils sont là. Il a abusé, il a pas abusé. Le mal est fait. Donc, au début, c'est la patience, après, c'est l'endurance. Après, c'est l'endurance. Ah, c'est chaud, hein, c'est un gilet de neuf. Après, c'est l'endurance. Et c'est ça, l'homme qui est fort. L'homme qui est fort, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrive à se contrôler. Yani, pour arriver à ce niveau-là, c'est pas... Yani, ça se travaille comment, ça c'est... Ça se travaille avec l'iman, l'ilm, tu vois. Tatbiq l'ilm, tu vois. La foi, la science, l'application de la science, tu vois. Parce que l'application de la science, c'est... Ça prouve la sincérité de l'individu, à d'une part à œuvrer à rechercher la science et à l'appliquer. Tu vois? Une protection. Un arbre, yani un individu, d'accord, qui a du ilm, d'accord, mais qui n'applique pas cette science-là, c'est comme un arbre sans fruits. D'accord? L'eau saturée, elle est là. Ça donne rien. Mais ça donne rien. D'accord? Ok, il a ça, oui, et après, ça donne rien. Et le problème, c'est que ça peut même mettre un mal à la da'wa. Pourquoi? Hein? Tu prends des cours et tout cela, hein? T'agis comme ça? Alors on te dit d'agir comme cela, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il ne voit pas, maintenant, faut repousser l'erreur sur l'individu lui-même. Non, ils vont rendre général, en fait, tout cela. En disant, en dénigrant la da'wa, en disant, voilà, regarde. Donc, c'est pour cela, barakallahu fikum. L'hypocrisie de l'acte est qu'il y ait de cinq clérisés. Lorsqu'on lui confie, il trompe. Lorsqu'il se dispute, il tombe en débauche. Et lorsqu'il fait une trêve, il la viole. Ou lorsqu'il s'engage dans un pacte, il le viole. D'accord? C'est 4 ou 5? Le cheikh en avait mentionné 4, et puis l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, en a mentionné ici 5. D'accord? Barakallahu fik. Ici, dans le hadith qui est muttafaqun alayh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné 4. D'accord? C'est pour cela que le cheikh Salah Fawzan, hafidhahullah, avait mentionné donc qu'il y en avait 4. D'accord? Barakallahu fik. Donc, فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر. أعوذ بالله. Quiconque donc à ces quatre choses-là qui sont réunies en lui, c'est-à-dire, hein, lorsque on sent que c'est quelqu'un qui va respecter le dépôt et qu'on lui donne cette amana-là, le dépôt, eh bien en fait il la trompe. Premièrement. Deuxièmement, il a hadatha kadib, lorsqu'il parle, il ment. Il parle, il ment. Il est connu, celui-là, c'est un mytho. Tout le temps il parle, tout le temps il ment, tout le temps. Deuxième. Troisième, إذا عهد غدر. Lorsque il s'engage dans un pacte, il se met à trahir. Et ça, c'est la voie des innovateurs. C'est la voie des innovateurs et des criminels et des terroristes notamment. Hein? Ils ont un pacte, qui ont leur carte d'identité, voilà leur titre de séjour, voilà leur, hein? Voilà le visa qu'ils reçoivent de tel et tel pays. Le visa, c'est un pacte. T'as un visa, ça y est, tu rentres dans un pacte avec toi et ce pays. C'est un pays kafir ou un pays musulman. Tu rentres dans un pacte, d'accord? Eh bien, ceux qui le trompent, d'accord, ceux qui violent ce pacte-là, ont cet attribut-là, t'as les munafiqin. Et les gens de l'innovation, ils sont connus pour violer les pactes. وَإِذَا خَسَمَا le quatrième, فَجَرْ. Et lorsqu'il se met à avoir une dispute avec quelqu'un, eh bien, il se met à tomber dans dans la débauche. Donc celui donc qui a ces quatre choses-là réunies en lui, ces quatre attraits-là de l'hypocrisie, il a réuni le mal. Il a réuni en lui le mal. D'accord ? وخلصت فيه نوعات المنافقين. Et il se met à avoir en fait, hein, les attraits, les attributs de l'hypocrite. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق. Et celui qui en a une d'entre elles, il a un des attributs des hypocrites. أعوذ بالله. فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر. Il se peut que dans l'individu, eh bien, se soient réunis les attraits du bien et les attraits du mal. Ça rentre en quoi s'il y a les quatre réunis et s'il n'y en a qu'un des quatre qui est réuni au niveau du châtiment d'Allah, je veux dire, eh bien, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit et c'est ce que disait le cheikh. Il disait que si celui qui a les quatre, eh bien, c'est un hypocrite sincère. D'accord. C'est un hypocrite sincère, celui qui les a réunis. D'accord. Et celui qui en a une d'entre elles, eh bien, il a un des attraits des hypocrites jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'il la délaisse, il n'a plus cet attrait des hypocrites. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'avait expliqué. Donc c'est pour ça que le shir dit, eh bien, dans l'individu, il se peut qu'il y ait un attrait du bien et un attrait du mal. D'accord ? وَخِسَالْ إِمَنْ وَخِسَالْ كُفْرُ وَنِفَاقْ. Il peut avoir un attrait de foi et un attrait de mécréance et d'hypocrisie. D'accord ? ويستحق من الثواب والعقاب. Et il mérite la récompense pour le bien qu'il a et le châtiment pour le mal qu'il a. D'accord ? بحسب ما قام به من موجبات ذلك. En fonction de ce qu'il aura œuvré dans cela et ce qui aura qui induira en fait, en fonction du degré de ce qu'il a en fait comme mal et du degré de ce qu'il a en bien. En fonction de cela, eh bien, ça va dépendre. D'accord ? Si Allah Azza wa Jal décide de le châtier de par sa justice pour le mal qu'il contient, c'est Allah qui décide. Au niveau de la balance, le jour du jugement dernier, ça pèsera justement... Allahu a'lam, Allahu a'lam. Je ne rentre jamais là parce que... Femni, c'est Allah, c'est souvent la volonté d'Allah Azza wa Jal après. Femni. Wa minhu... Il va donner d'autres maintenant, d'autres attraits des hypocrites, dont on avait déjà mentionné. C'est quoi, à votre avis ? Est-ce que vous avez des exemples en tête ? Des attributs des hypocrites ? Hein ? D'autres attraits d'hypocrites ? Ouais. Le fait, par exemple, qu'ils ne soient pas assidus à la salade. Barakallahu fiik. Al-takasul 'an as-salat ma' al-jama'a fi al-masjid. Le fait, hein, ça fait partie des attributs des hypocrites. Le fait d'avoir cette paresse là à vouloir venir prier à la mosquée, non? Il y a un verset comme ça. Ouais. Wa idha qamu ila as-salat qamu kusala. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils ont cet attribut là, le fait qu'ils délaissent la prière à la mosquée. Et on avait déjà vu dans la khutba l'obligation de prier à la mosquée. Ou les regroupent. Non, mais non. Ces gens-là, c'est pas qu'ils les regroupent, c'est qu'ils ne donnent pas d'importance à la prière en groupe. Déjà, ils ne donnent pas d'importance à la prière en groupe. Celui déjà qui ne donne pas l'importance à la prière en groupe, il a un attribut des munafiqines. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est que il aura cet attribut-là des munafiqines jusqu'à ce qu'il la délaisse, cette chose-là. D'accord ? La prière n'est valide pour l'homme que si elle est faite en groupe à la mosquée. N'est valide pour l'homme que si elle est faite en prière en groupe à la mosquée. D'accord ? Mais elle est valide s'il ne la fait pas en groupe à la mosquée, dans le cas où est-ce qu'il a une excuse légiférée. D'accord ? S'il n'a pas d'excuse valable, la prière, comme Ali radiallahu anhu avait mentionné, ne dépasse pas sa tête. Travail, c'est une excuse légiférée. D'accord ? L'individu, il peut trouver du temps et il peut s'organiser pour essayer de faire la prière. J'aime un arme, c'est possible. C'est possible. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il doit faire des efforts. Non, c'est possible, moi je te le dis. Moi je suis sur Paris. Qu'est-ce que je fais ? Dans l'endroit où est-ce que je travaille, je vais voir. Je fais déjà un repérage où est la mosquée la plus proche, combien de temps ça me met. Le trajet à pied, c'est combien de temps, etc. Tu vois ? Et alhamdoulilah, Allah, il a facilité. C'est vrai, quand tu cherches vraiment... Je m'organise en fonction du temps. Tac, je quitte, je sais qu'il me faut 15 minutes pour aller, 15 minutes pour retour. Femni Allah. Tu t'organises, Ekhi. Tu fais les ablutions avant de sortir. Allah Azza wa Jalla, il a dit, « La yukallifu Allahu nafsan illa wasa'aha. » Tu vois ? Allah n'impose pas une âme, excepté ce qu'elle peut supporter. Donc Allah Azza wa Jalla sait très bien que les gens vont travailler, vont avoir des occupations, vont avoir tout cela. Mais il a légiféré 5 prières. D'accord ? Moi, je ne te dis pas, il y en a, maintenant, ils vont travailler dans une usine qui est coupée de tout. Tu ne peux même pas sortir de l'usine. Tu comprends ? Mais là, il faut qu'il y ait le mot pour te faire remplacer, parce que sinon... En plus, si c'est à la chaîne, alors je te raconte pas ceux qui sont à la chaîne, ceux qui sont venus, et je te raconte pas de ceux qui sont dans un endroit où est-ce que il y a pas une mosquée à 10 minutes aux alentours, quoi. C'est la cambrousse, c'est une usine qui est venue. Donc il y en a que l'ouahed qui fêche sa situation, et que l'ouahed il sait, tu vois, voilà. Donc je peux pas maintenant te dire maintenant. Non, c'en est pas une, voilà, oui, c'en est une. Femni, c'est colouard en fonction de sa situation, c'est comment ? C'est-à-dire que, maintenant, il sait que l'individu, il est bloqué dans une usine par une sécurité, ou je sais pas quoi, et puis par une entrée, par un badge, etc., etc., etc. Femni, yani, il craint Allah Azza wa Jalla le mieux qu'il peut. Femni, fattaqullah mastata'tu. D'accord ? Tassara, tu fais comme ça. Sinon, si t'as pas tous ces blocages-là, et puis toi, t'as des possibilités. Et tout cela, Femni, yani, tu t'arranges pour ça, t'es pas tenu par un travail en chaîne, voilà, t'es pas trouvé par cela. Toi, tu cherches, tu fais les efforts et tout cela. Et Allah Azza wa Jalla sait que tu fais les efforts, et Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans ton cœur, que toi tu veux la faire en groupe, que toi tu veux. Femni. Yani, innama al-amal binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Toi, tu as fait ri, t'as essayé d'œuvrer, t'as essayé de faire ton possible, mais ça n'a pas été l'occasion. Femni. C'est différent de quelqu'un qui ne cherche même pas. Femni. Celui qui cherche et qui n'a pas trouvé, il est quand même récompensé. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc il a œuvré, il a essayé, il a fait. On lui souhaite, yani, qu'il est récompensé. Donc là, ce qu'il y a, barakallahu fikum, minhu takasul an as-salat ma al-jama'a fi al-masjid. Être paresseux, de ne pas donner d'importance à la prière en groupe, à la. Barakallahu fik, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais ça prouve que ça fait partie des kabaïr, des péchés majeurs. De délaisser la prière en groupe. Ça fait partie des kabaïr. Tu sais que toi, tu fais une jumu'a. Tu sais que du jumu'a à l'autre jumu'a, Allah Azza wa Jalla, il pardonne tous les péchés mineurs. C'est conditionné par quoi ? Tant qu'il ne fait pas de péché majeur. Vous voyez ? C'est quelque chose qui apparaît simple. Tu te dis, Jumu'ah, Allah il pardonne. Et en fait, quand tu médites, subhanallah, facilement tu peux tomber à parler sur quelqu'un. Tu tombes dans la riba, péché majeur. Facilement tu peux... Femni. Yani, wahed, il n'a pas d'excuse et puis il laisse la prière à la mosquée. Voilà, il va dormir. Il n'a pas mis le réveil, il n'a pas fait les causes. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas fait les causes, il a mis le réveil, il a tout fait, tout cela, il a demandé. Yani, j'tahed. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a délaissé tout cela et il savait qu'il risquait de rater la salat. Subhanallah. Ça fait partie des sifat, mais les sifat al-munafiqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eh bien, il aura cet attrait-là. Des munafiqin jusqu'à ce qu'il la délaisse. Jusqu'à ce qu'il la délaisse. D'accord ? Donc, lorsque ce que disait le frère Hassan, barakallahu fi, c'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait menacé de brûler les demeures de ceux qui priaient dans leur maison. D'accord ? Et dans une autre narration, si ce n'est la présence de femmes et d'enfants. D'accord ? Déjà, on peut utiliser ce hadith-là pour réfuter tous les khawarij de terroristes et la secte des frères musulmans. Vous voyez, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne brûlerait pas les maisons s'il y avait eu des femmes et des enfants. Subhanallah. C'est pas ces lâches et ces traîtres qui viennent là dans une foule et qui se mettent à se faire exploser au milieu de femmes et d'enfants. À Manchester, des gamines 8 ans, elles sont... D'accord ? Subhanallah. Donc on comprend bien que ces gens-là n'ont rien à voir avec le dîn et que ce sont ni des étudiants en sciences, ni des gens qui craignent Allah, ni des gens qui se rappellent de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Awaluma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. La première chose qui sera jugée parmi les gens le jour de la résurrection, c'est sur le sang qui a coulé. Donc, deuxième point de ce hadith-là, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait menacé de brûler les demeures de ceux qui priaient chez eux. C'est une menace. Ça le catégorise dans les péchés majeurs. D'accord ? On s'en rappelle la définition des péchés majeurs. Menace d'un châtiment, d'accord ? Dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ou bien celui qui reçoit la malédiction d'Allah ou la malédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien que Allah azza wa jalla a mentionné que telle chose c'est un péché majeur, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que telle chose c'est un péché majeur. D'accord ? Eh bien, tout ça, barakallahu fik, ça rentre dans les catégories de péchés majeurs. Donc, un autre attrait, donc c'est pour ça que là, le shikh, il dit 4. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, il dit 5. D'accord ? Mais il y en a différents autres. Il y en a plein d'autres lorsqu'on lit les nusus. Takassur al-salat, salat al-jama'a. D'accord ? Ça, c'est un attrait des munafiqin, fil masjid, en plus. Fa'innahu min sifat al-munafiqin. Fa'nifaq shar wa khatir jiddan. L'hypocrisie, c'est un mal et très dangereux. وكان الصحابة يتخوفون من الوقوع فيه. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. Les Sahaba, eux, ils avaient peur. Les Sahaba, ils avaient peur. Ils craignaient l'hypocrisie. Ils avaient peur de tomber dans l'hypocrisie. D'accord ? Il avait dit la semaine dernière, c'était un signe de foi, le fait que le musulman il doit toujours avoir ce souci. Il a ce souci d'avoir peur de tomber dans l'hypocrisie. Naam. Le contraire, ben, c'est vraiment... Celui qui croit qu'il est sécurisé, c'est un hypocrite. Voilà, c'est ça. Celui qui croit qu'il est sécurisé de l'hypocrisie, c'est un munafiq. C'est une maladie du cœur. Naam. Et donc, ce qu'il y a, c'est que il utilise la preuve de ce qui est mentionné ici, c'est que ce que disait Ibn Abi Mulaika, il a dit, j'ai rencontré 30 parmi les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tous craignent sur eux l'hypocrisie. Tous craignent sur eux, tous craignent que leur âme, yani, tombe dans l'hypocrisie ou bien qu'elle contienne de l'hypocrisie. Tous craignent, subhanallah. Les sahaba craignaient cela. Le furuq bayna al-nifaq al-akbar wa al-nifaq al-asghar. Là maintenant, les différences qu'il y a entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure, ou l'hypocrisie moindre. Inna an-nifaq al-akbar yukhruju min al-milla. L'hypocrisie majeure fait sortir l'individu de la communauté de l'islam. Wa an-nifaq al-asghar la yukhraj min al-milla. Tandis que l'hypocrisie moindre n'exclut pas l'individu de l'islam. Deuxième point, inna an-nifaq al-akbar. اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد. Donc, le deuxième point ici, c'est que l'hypocrisie majeure, parmi les différences entre hypocrisie majeure et mineure, l'hypocrisie majeure, eh bien, c'est qu'il y a une différence lorsque l'individu est seul et lorsqu'il est devant les gens concernant la croyance. Concernant la croyance, l'hypocrisie majeure, d'accord ? Lorsqu'il est en secret, Yani lorsqu'il est seul, ou bien lorsqu'il est devant tout le monde, eh bien sa croyance diverge. D'accord ? Il y a une différence dans la croyance. Ou النفاق الأصغر, tandis que l'hypocrisie mineure, اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. Tandis que dans l'hypocrisie mineure, il y a une divergence entre ce qui est secret et ce qui est dévoilé à tout le monde, dans les œuvres, une divergence dans les œuvres. Lorsqu'il est tout seul, voilà, et lorsqu'il est devant tout le monde, c'est différent. Dans les œuvres, sans la croyance. Ça, c'est dans l'hypocrisie moindre. Ça ne concerne pas la croyance, ça concerne que les œuvres. Il a un de ces attributs-là. Soit il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Soit lorsqu'il a une dispute, il se met à avoir un mauvais comportement. D'accord ? Voilà, soit il va... Yani, ce qui va diverger dans le Nifaq al-Asr, c'est que, entre ce qui est silencieux et ce qui est devant tout le monde, il va y avoir une divergence dans les œuvres. Mais tu m'étonnes que les compagnons aient ce souci-là de ne pas tomber... Bah oui, après. Parce qu'on peut avoir un de ces attraits... Exactement là, ils craignaient le Nifaq, et après ça peut avoir un attrait des Nifaq. Ça veut dire que toi, l'individu, il a cet attrait de Nifaq-là, et il est un hypocrite avec cet attrait de Nifaq-là. Et lui, il croit que c'est quelqu'un de bien. T'imagines ? Subhanallah. Vous voyez le danger ? On ne parle pas de ceux qui se moquent de la sunna. Ça, ceux qui se moquent de la sunna, oudou billah, yani, ils tombent dans une de ces six catégories qu'on avait vues de Nifaq Akbar. Quelqu'un, il déteste quelque chose de la sunna du prophète. Ah, il déteste la barbe, mathal. Il va dire, c'est quoi ça ? Grâce-moi ça, il va te dire. C'est quoi ce truc-là ? Wallah ta'raf, il va se moquer. Et tout ça, c'est une ridda. Ça, c'est une ridda. Et les ulama, ils ont dit que celui qui se moque d'une des sunnas du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, celui qui se moque du siwak tu utilises, celui qui se moque du siwak, ils ont dit, les ulama, c'est une ridda. Et ils ont dit que celui qui rend pas mécréant, celui qui se moque de cela, eh bien, ça fait de lui un mécréant. Tu vois ? C'est quoi une ridda ? Une apostasie. Ça veut dire, il quitte l'islam. Tu vois ? Il quitte l'islam après avoir eu la foi. Donc, vous voyez, juste sur le siwak. Il vient de dire, mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, on a les brosses à dents, il utilise encore ce truc-là. Fabni. Allez, subhanallah. La barbe aussi. Voilà la barbe, ce qu'on entend sur la barbe. Voilà les vêtements au-dessus des chevilles, voilà. Allah al-Musta'an. Les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Qu'Allah nous en préserve. Et qu'Allah les guide et nous guide, amin. Donc, premier point, divergence entre Nifaq Akbar et Nifaq Asghar. Nifaq Akbar fait sortir l'individu de l'islam, Nifaq Asghar ne fait pas sortir l'individu de l'islam. Ensemble au shirk Akbar et au shirk Asghar. Naam. Deuxième point, Nifaq Akbar, il y a une divergence entre ce qui est en secret et ce qui est devant les gens concernant l'i'tiqad, la croyance. D'accord ? Lorsqu'il est tout seul, il mécroit en l'islam, il ne croit pas en l'islam. Il se moque du prophète sallam, il dément le prophète sallam. Il y en a ce qu'on a vu. Et lorsqu'il est devant les gens, il montre l'islam et il cache le kufr. D'accord ? Nifaq Asghar, il y a une divergence entre les œuvres, d'accord ? Sans la croyance. Il croit que l'islam c'est le haqq, il a la croyance de l'islam, il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croit en Allah, en son nom et attribut, il croit en les six piliers de l'iman, et les cinq piliers de l'islam. Ça demande à repentir, il n'est pas sous la menace de l'enfer, parce que les deux cas... Oui, on va voir ça, Inch'Allah, par la suite. Ah, ça fait un peu pas... Et donc, ce qu'il va y avoir une divergence dans les œuvres qu'il va avoir, d'accord ? Comme on avait mentionné dans le hadith. Troisième point, inna an-nifaq al-akbar la yusdur min mu'min. Troisième point, la différence qu'il y a entre nifaq akbar et nifaq asghar, c'est que celui qui a l'hypocrisie majeure, eh bien cela ne provient pas d'un croyant. Un croyant n'a pas d'hypocrisie majeure. Celui qui est croyant n'a pas d'hypocrisie majeure. Ça ne provient pas d'un croyant. Wa amma an-nifaq al-asghar qad yusdur min al-mu'min. Tandis que celui qui pratique l'hypocrisie mineure, ça peut venir d'un croyant. Ça peut venir d'un croyant, d'accord ? Le quatrième point, inna an-nifaq al-akbar fil ghalib la yatub sahibuhu wa law taba faqad ikhtalafa fi qabuli tawbatihi 'inda al-hakim. بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. Donc il dit le quatrième point ici, c'est que l'hypocrisie majeure, en général, en majorité, l'hypocrisie majeure, l'individu ne se repent pas de son ifaq akbar. D'accord ? Mais s'il se repent, eh bien, il y a une divergence quant au fait d'accepter ou pas sa taouba. D'accord ? Selon le juge, c'est le juge qui va juger, dans un tribunal islamique, un pays qui yuhkum bi sharia, un tribunal islamique, d'accord ? بخلاف النفاق الأصغر tandis que le nifaq al-asghar, celui qui commet un de ses attraits dans le nifaq al-asghar, il se repent, Allah Azza wa Jal accepte son repentir, d'accord ? Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Celui qui déteste et qui fait du mal à la On l'a mentionné dans les... De toute façon, il va falloir les apprendre, parce qu'il y aura une évaluation, comme j'avais dit, j'avais oublié de le mentionner, Inch'Allah. Dès qu'on aura terminé les caractéristiques, il y aura une évaluation, parce que c'est pas juste on écoute, et puis... Donc il y aura sur les catégories, et il y aura sur certains points concernant la croyance, d'accord ? Ça peut toucher les quatre règles, ça peut toucher les six fondements, mais assurez-vous qu'il y aura les deux attestations de foi et leurs conditions, et la signification avec les preuves. Ça, c'est obligatoire de les avoir, ça. Obligé que tu connaisses les deux attestations de foi avec toutes les preuves, avec dans le détail, d'accord ? Et je crois que d'ailleurs, on va faire une évaluation, ce sera que sur ça, et puis l'autre, ce sera sur... Il faudra détailler les deux attestations de foi en une demi-heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, rahimahullah ? Qala Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, rahimahullah. وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه. Eh bien, le croyant peut être peut tomber dans une des branches. Le croyant peut tomber plusieurs fois dans une des branches de l'hypocrisie. Puis parce qu'il se repent, Allah Azza wa Jal lui facilite la repentance, donc Allah Azza wa Jal accepte se repentir. وَقَدْ يَرُدَّ عَلَى قَلْبِهِ بَعْدَ مَا يُوجِبُ النِّفَاقِ وَيُطْفِعُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنْ يُبْتَلَى بِوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَبِوَسَاوِسِ الْكُفْرِ الَّتِي يَضِيقْ بِهَا صَدْرُهُ كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال ذلك صريح الإيمان وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان انتهى كلامه. Donc là, qu'est-ce qu'il explique le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, eh bien, le musulman peut tomber plusieurs fois dans une des branches de l'hypocrisie. Puis Allah Azza wa Jal lui facilite et il se repent. Et Allah Azza wa Jal donc accepte se repentir. Et il fait en sorte que son cœur repousse ce que l'hypocrisie l'appel à ce qu'il va tomber dans l'hypocrisie en agissant de telle ou telle chose. Eh bien, son cœur va le repousser. D'accord ? Et Allah Azza wa Jal, il va lui faciliter en sorte que, eh bien, il pourra le repousser. Et le croyant est éprouvé par les insufflations du diable, les insufflations du kofr, de la mécréance, qui font que son cœur... sa poitrine se resserre, qui font que sa poitrine se resserre, comme les sahabas ont dit, ô envoyé d'Allah, un de nous, eh bien, trouve en lui-même des choses qui feront qu'il risque de tomber des cieux vers la terre, et meilleur pour lui de tomber des cieux vers la terre que de dire ces choses-là qui font que sa poitrine se resserre. D'accord ? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, ceci, c'est la foi claire. Et dans une autre narration, ils ont dit, eh bien, ils trouvent de mentionner ces choses-là qui font que ça va resserrer leur poitrine, eh bien, que c'est quelque chose d'énorme. D'accord ? Et le prophète sallam avait répondu, eh bien, louange à Allah qui a rendu le plan, le shaitan, juste à l'insufflation. أي حصول وعليكم السلام ورحمة الله أي حصول هذا الوسواس donc le fait que l'individu a ses insufflations avec le fait qu'il les déteste et qu'il cherche à les repousser d'accord il cherche à les repousser avec son cœur et bien ceci est la foi d'accord et la foi claire وأما النفاق الأكبر فقال الله فيهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأما النفاق الأكبر فقال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون Ils seront muets, ils n'entendront pas, d'accord ? Ils ne verront pas et ne reviendront pas, d'accord ? Ay ila al-islam, ils ne reviendront pas, ay ila al-islam fil batn, ils ne reviendront pas à l'islam à l'intérieur. Ça c'est pour le nifaq al-akbar, d'accord ? Wa qala ta'ala fihim aw la yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois ? Malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر لكون ذلك لا يعلم إذ هم دائما يظهرون الإسلام. Donc شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit dans مجموع الفتاوى il y a une divergence concernant le fait que leur repentance, c'est-à-dire ceux qui ont le nifaq al-akbar, que leur repentance est acceptée. Il y a une divergence sur cela. Pourquoi il dit ? Parce que on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il s'est réellement repenti ? Parce que eux, en fait, ils montrent constamment l'islam. Donc, est-ce que Tab bil-haq hada ? Voilà, il joue encore son jeu, il montre l'islam. Vous voyez le danger de cela ? Voilà. Donc il dit qu'il s'est repenti. Mais oui, mais il a passé son temps à faire croire qu'il est musulman. Donc là, il gicle et puis il te dit, topt. Comment que tu vas savoir ? Tu sais pas. Parce qu'il montrait l'islam et il cachait le kofr. C'est ça, le nifaq al-akbar. Il montrait l'islam et il cachait le kofr. Donc est-ce qu'il dit ça pour continuer à faire son plan ? Pour essayer de gagner la fiabilité des frères en disant c'est bon, ouais, il est fiable, c'est bon, t'inquiète, non. Alhamdoulilah, il s'est repenti et il continue à faire des dommages. C'est pour ça qu'il y a une divergence dans cela. C'est pour ça que Khal Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah wa qad ikhtalafa al-ulama fi qabul tawbatihim fi al-dhahir. Likawn la yu'lam idh hum da'iman yadhharuna al-islam. Il montre tout le temps l'islam. Est-ce que t'as bilhaq ? Ou est-ce que vous voyez la divergence qu'il y a ? Donc, mais celui qui fait du nifaq asrar, donc s'il se repent, Allah Azza wa Jal, yani, s'il se repent sincèrement, parce que lui, il a la foi, c'est un croyant, qui est tombé dans le nifaq asrar. D'accord ? C'est dans les œuvres, ça ne concerne pas la aqida, ça ne concerne pas la croyance. D'accord ? Donc, lorsqu'il se repent, alhamdoulilah, Allah lui accepte. Mais le nifaq al-akbar, il y a une divergence. Et c'est Allah Azza wa Jal qui sait. Et c'est dangereux. Parce que, non, tu sais pas, est-ce que la personne en elle-même, c'est franchement au fond de lui-même, s'il se repent et qu'il veut vraiment être sincère d'Allah, il le sait, mais celui qui veut toujours c'est compliqué ça, entre un individu ou est-ce que sa aqida c'était pas l'islam. On dit bien nifaq al-akbar, c'est celui que yudhur l'islam ou yobtenu l'kufr. Hada idha kan yji yqul l'aktab Allahu a'lam, on sait pas nahna. Est-ce que tab bilhaq ou Allah il continue à idhar fi l'islam. Tandis que li yaqa fi l'islam fi nifaq al-asghar, مثلا يعني اذا حدث كذب واذا تمن خان واذا ce qu'avait dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fi l'hadith. Naam. Où est-ce que j'avais mentionné le hadith entre le rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Ay. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Donc ça c'est des attributs تاع le منافق. Mais lui là, il croit عنده الإسلام يعني il croit عنده العقيدة عنده الإيمان mais عنده خصلة من خصلة المنافقين. Et il reste un munafiq, mais du nifaq asghar, qui n'exclut pas de l'islam. Il reste croyant, il reste musulman. D'accord ? Donc lui, il a qu'un itoub, Rabbi Toubali. D'accord ? Mais le problème, il est dans celui qui yodhur l'islam ou yobtun l'kufr. Hada, c'est compliqué. Et j'ai dit le ktab, Allahu a'lam. On ne sait pas. Est-ce qu'il dit ça pour essayer de continuer à faire ses plans ? Voilà. On va s'arrêter là. On a terminé les catégories À l'origine, ce cours-là, c'était juste anwa' al-tawhid, anwa' al-kufr, anwa' al-shirk, anwa' al-nifaq. On les a tous vus, ceux-là. D'accord ? Mais j'ai rajouté, inshallah, parce que c'est avec le livre de Cheikh Salah Fawzan Hafidhullah dans Aqid al-tawhid. On verra la semaine prochaine bayan haqiqat kull min al-jahiliya wal-fisq wad-dalal wal-ridda aqsamuha wa ahkamuha wa ahkamuha. Donc on verra en fait les catégories et les types de ce qu'est la jahiliya, de ce qu'est le fisq, la définition, parce qu'on souvent, très souvent, on définit par pervers, fisq, ça veut dire pervers, la perversité, mais c'est en fait, on va comprendre que il y a différentes définitions dans cela. Ad-dalal, l'égarement, on va voir c'est quoi, et on va voir ridda, l'apostasie, quels sont les types et quelles sont les personnes qui en sont concernées. D'accord? Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.